Cher papa Faucheux, ceci est une lettre d'extra, écrite au milieu du mois parce que je me sens très seule ce soir. Il fait une tempête épouvantable, la neige bat contre ma tourelle. Au campus, toutes les lumières sont éteintes, mais j'ai pris du café et je ne puis dormir. J'ai eu du monde à souper. Il y avait Sally et Julia et Léonora Fenton, et aussi des sardines et des muffins grillés, de la salade, de la glace au chocolat et du café. Julia a dit qu'elle s'était bien amusée, mais Sally est restée pour aider à laver la vaisselle. Je pourrais parfaitement faire du latin ce soir, mais il n'y a pas à dire, je ne suis qu'une faible latiniste. Nous avons fini Tite-Live et De Senectute, et maintenant nous nous occupons des De Micitiae. Cela vous serait-il très désagréable d'être ma grand-mère ? Sally en a une, et Julia et Léonora en ont chacune deux. Ce soir, elles se sont amusées à les comparer. Il n'y a rien au monde qui me ferait plus de plaisir, c'est une parenté si respectable. Espérons que vous n'y verrez aucune objection. Hier, quand je suis allée en ville, j'ai vu le plus joli petit bonnet, en Cluny, garni de rubans lavande. Je veux vous en faire cadeau, pour votre 83e anniversaire. Ding, ding, ding, ding. Cela, c'est l'horloge de la tour de l'église, qui sonne minuit. Il me semble que tout de même, j'ai sommeil. Bonne nuit, bonne maman. Je vous aime tendrement. Joujou. Les Ides de mars. Cher papa Faucheux, je travaille la composition de prose latine. Je l'ai travaillée, je la travaillerai. Je l'aurai travaillée. Mardi prochain, à la 7e heure, je passerai un nouvel examen et alors je réussirai ou j'en éclaterai. Donc, vous aurez bientôt de mes nouvelles. Je serai heureuse, intacte, sans souci ou en mille miettes. Je vous écrirai à tête reposée dès que tout sera fini. Ce soir, j'ai un rendez-vous urgent avec l'ablatif absolu. À vous, en toute hâte, Joujou Abbott. Monsieur P.F. Smith, le 26 mars. Monsieur, vous ne répondez à aucune de mes questions. Vous ne vous intéressez nullement à ce que je fais. Vous êtes, je n'en doute pas, le moins aimable de tous ces désagréables messieurs du comité, et si vous me faites donner une bonne éducation, ce n'est pas parce que vous vous souciez de moi, mais par un sentiment de devoir. Je ne sais absolument rien de vous. Je ne connais même pas votre nom. Cela manque de charme. Je suis sûre que vous jetez mes lettres au panier sans les lire. À l'avenir, je ne parlerai uniquement que de mon travail. Mes nouveaux examens de latin et de géométrie ont eu lieu la semaine dernière. Je les ai passés tous les deux et je suis délivrée de ces soucis. Sincèrement à vous, Jerusha Abbott. 2 avril. Cher papa Faucheux, je me fais horreur. Oubliez, je vous en supplie, l'abominable lettre de la semaine passée. Je me sentais affreusement seule et misérable, avec un fort mal de gorge quand je l'ai écrite. Sans m'en douter, je couvais une grippe, une angine ou d'autres choses encore. Je suis maintenant à l'infirmerie depuis 6 jours, et c'est la première fois qu'on me permet d'être assise dans mon lit et de tenir une plume. L'infirmière en chef est très autoritaire, mais je pense tout le temps à la même chose, et je ne serai jamais guérie tant que vous ne m'aurez pas pardonné. J'ai les glandes sublinguales enflées. Pendant toute l'année, j'ai travaillé la physiologie sans avoir jamais entendu parler des glandes sublinguales, que l'instruction est une chose superficielle. Il faut que je m'arrête. Je me sens peu solide quand je reste trop longtemps assise. Pardonnez-moi mon impertinence et mon ingratitude. J'ai été mal élevée. Affectueusement à vous, Joujou Abbott. L'infirmerie, le 4 avril. Papa Faucheux chéri, hier soir, entre chien et loup, je regardais de mon lit la pluie tomber et je sentais terriblement l'ennui d'une vie passée dans une grande institution quand l'infirmière apporta à mon adresse une longue boîte blanche remplie des plus ravissants boutons de rose rouge. Et mieux que tout cela, elle contenait une carte de visite avec un message très poli d'une drôle de petite écriture montante et renversée mais qui dénote beaucoup d'énergie. « Merci, papa, merci mille fois. » Votre envoi de fleurs est le premier, le seul vrai cadeau que j'ai reçu de ma vie. Mais voyez quel bébé je suis. Je me suis mise à sangloter parce que j'étais si heureuse. Maintenant que je sais que vous lisez mes lettres, je les rendrai beaucoup plus intéressantes, de façon qu'elles vaillent la peine d'être nouées d'un ruban rouge et gardées dans un coffre-fort. Mais enlevez celle qui est si détestable et brûlez-la. Cela me donne le frisson de penser que vous pourriez jamais la relire. Merci pour avoir donné un peu de joie à une élève de première année. malade, grincheuse et triste. Vous avez probablement un tas d'amis et une famille qui vous aiment. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être seul. Moi, je le sais. Au revoir. Je promets de ne plus jamais être mauvaise. Parce que je sais maintenant que vous êtes en chair et en os. De même, je promets de ne plus vous ennuyer avec des questions. Détestez-vous encore les jeunes filles ? Toujours à vous. Joujou. Lundi, la 8e heure. Cher papa Faucheux, j'espère que vous n'êtes pas le membre du comité qui s'est assis sur le crapaud. Il a crevé, m'a-t-on dit, avec une forte détonation, ce qui ferait croire que c'était un membre du comité plus gras que vous. Vous souvenez-vous, à l'asile John Greer, de ces endroits sous terre, couverts d'un grillage, près des fenêtres de la buanderie ? Chaque printemps, quand la saison des crapauds était ouverte, nous faisions une collection de ces bêtes que nous gardions dans ces trous, et souvent elles faisaient irruption dans la buanderie, causant des émotions agréables les jours de lessive. Nous étions sévèrement punis pour ce que nous avions fait, mais, bien qu'on nous décourageât, les crapauds ne cessaient d'abonder. Et un jour, mais je ne veux pas vous ennuyer avec des détails, je ne sais comment, un crapaud des plus gros, des plus gras et des plus juteux s'est égaré dans un des grands fauteuils en cuir de la salle de réception des membres du comité. Ce jour-là, à la réunion des membres, mais sans aucun doute vous y étiez et vous vous rappelez le reste. Quand, après ce laps de temps, je pense à tout cela, sans parti pris, je dois avouer que la punition était méritée et, à vrai dire, suffisante. Je ne sais pas pourquoi je me replonge dans le passé, sauf que le printemps et la vue des crapauds réveillent en moi l'instinct du collectionneur. La seule chose qui m'empêche de commencer une collection, c'est qu'aucun règlement ne le défend. Jeudi, après l'église. Quel est, croyez-vous, mon livre de prédilection ? Je veux dire en ce moment, car je change d'opinion tous les 3 jours. Les hauteurs de Wuthering's. Emily Bronte était une toute jeune quand elle l'a écrit. Elle n'avait jamais dépassé le cimetière de Haworth. Elle n'avait encore connu aucun homme. Comment a-t-elle pu décrire un homme comme Heathcliff ? Moi, je ne pourrais pas le faire. Je suis toute jeune et je n'avais jamais dépassé l'asile John Greer. Et j'ai eu toutes les chances du monde. Quelquefois, il me vient une peur terrible de n'être pas un génie. Serez-vous désappointé, papa, si je ne deviens pas un grand écrivain ? Au printemps, quand tout bourgeonne et que tout est si beau et si vert, je sens que je voudrais lâcher mes leçons et me sauver pour jouer avec les éléments. Combien d'aventures il y a là-bas dans les champs ? C'est bien plus intéressant de vivre les livres que de les écrire. Oh ! Cela, c'est un cri qui a fait venir Sally et Julia et l'ancienne de l'autre côté du hall. À mille pattes en a été la cause. Ces bestioles me causent un émoi indescriptible. J'avais à peine fini la dernière phrase et je pensais à ce que j'allais dire ensuite. Pouf ! Il est tombé du plafond et s'est trouvé à mes côtés. J'ai renversé 2 tasses de la table à thé en essayant de m'en aller. Sally l'a taloché avec le dos de ma brosse à cheveux dont je ne pourrai plus jamais me servir. Elle a tué la moitié de l'avant du mille pattes et les 500 pattes de l'arrière se sont sauvées sous la commode et ont disparu. Ce dortoir, à cause de son grand âge et de ses murs couverts de lierre, est plein de mille pattes, des créatures horribles. Je préférerais trouver un tigre sous mon lit. Vendredi, 9h30. Que d'émotion ! Je n'ai pas entendu la cloche du réveil ce matin. Puis, j'ai cassé mon lacet de souliers pendant que je m'habillais à la hâte, et j'ai fait tomber mon bouton de colle dans mon dos. J'ai été en retard pour le premier déjeuner et pour la classe. J'ai oublié mon papier buvard et mon stylo à fuie. En trigonométrie, le professeur et moi, nous avons été en désaccord au sujet d'une petite question de logarithme. En vérifiant, je trouve qu'elle avait raison. Pour déjeuner, nous avions un ragoût de mouton et des navets. Je les déteste tous les deux. Ils ont le goût de l'asile. Le courrier ne m'a apporté rien que des notes de fournisseurs, mais il faut dire que je ne reçois jamais autre chose. Ma famille n'étant pas de celles qui écrivent. À la leçon d'anglais cet après-midi, on nous a donné un devoir écrit inattendu. Je ne demandais pas autre chose, rien ne m'est refusé. J'ai offert l'être, en échange, le puissant marchand a souri. Du Brésil, il fit tourner un bouton, sans regarder de mon côté. Madame, n'y a-t-il pas autre chose à vous montrer aujourd'hui ? Cela, c'est un poème. Je ne sais pas qui l'a écrit, ni ce qu'il veut dire. Il était calligraphié au tableau noir quand nous sommes arrivés et on nous a demandé de faire nos commentaires. Quand j'ai lu la première strophe, j'ai cru avoir une idée. Le puissant marchand était une divinité qui distribue des bénédictions pour récompenser les bonnes actions. Mais quand je suis arrivé à la deuxième strophe et que je l'ai trouvé faisant tourner un bouton, l'idée m'a paru blasphématoire et j'ai vite changé d'opinion. Le reste de la classe a été aussi embarrassé que moi et pendant trois quarts d'heure, nous sommes restés devant nos feuilles blanches. Rien sur le papier, rien dans nos cerveaux. C'est une belle chose que l'instruction, mais que c'est fatigant. La journée n'est pas finie, il y a pire. Il pleuvait tellement que nous ne pouvions pas jouer au golf et on nous a fait faire de la gymnastique. La jeune fille à côté de moi m'a heurté le coude avec une massue indienne. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé une boîte contenant ma nouvelle robe bleue. Mais la jupe était si étroite que je ne pouvais pas m'asseoir. Vendredi est le jour de grand nettoyage, et la fille de service avait dérangé tous les papiers sur mon bureau. Comme dessert, nous avions des tombes, un mélange de lait, de gélatine et de vanille. On nous a retenus à l'église un bon quart d'heure de plus qu'à l'ordinaire pour entendre un discours sur les femmes vraiment femmes. Et enfin, au moment où je m'installais pour lire le portrait d'une dame, une jeune fille du nom de Ackerley, à la figure pâteuse et tout ce qu'il y a de plus bête, qui est à côté de moi dans la classe latine, parce que son nom commence par un A. Je regrette que Madame Lippett ne m'ait pas appelé Zabriskie. Est venue demander si la leçon de lundi commençait à la page 69 ou 70. Et elle est restée une heure. Elle vient de partir. Avez-vous jamais vu une série d'incidents aussi décevants ? Ce ne sont pas les grandes peines de la vie qui demandent de l'énergie. Tout le monde peut tenir tête à une crise et affronter une catastrophe avec courage. Mais pour faire face, en souriant, aux petites choses de la vie, cela demande du caractère, et c'est cela que je chercherai à développer en moi. Je vais me persuader que la vie n'est qu'un jeu, que je dois jouer aussi habilement et aussi loyalement que possible. Si je perds, je hausserai les épaules et je sourirai, de même si je gagne. En tout cas, je veux être bonne joueuse. Vous ne m'entendez plus me plaindre, papa chéri, parce que Julia porte des bas de soie et que les mille pattes tombent du mur. Toujours à vous, Joujou, répondez vite. Monsieur Faucheux, le 27 mai. Monsieur, je viens de recevoir une lettre de Madame Lippett. Elle espère que je fais des progrès dans mon maintien et dans mes études. Comme il est probable que je ne saurai pas où passer mon été, elle veut bien que je retourne à l'asile, où je serai nourrie en échange de mon travail jusqu'à la rentrée. Je hais l'asile John Greer. Plutôt mourir que d'y retourner. À vous, bien franchement, Jerusha Abbott. Cher Daddy Longlegs, you are an amour. I am very happy à propos de la ferme, because I have never été dans une ferme in my life. Et je détesterais to go back to John Greer and laver la vaisselle all the summer. Je craindrais que something dreadful n'arrivât, because I have lost my former timidity, and I am afraid que je ne retiendrai plus one day, and que je briserai toutes les tasses et les soucoupes in the house. Excuse brevity and papier. I cannot vous envoyer any news about myself, because I am in la classe française, and I am afraid that the professor s'adressera à moi in a minute. Il l'a fait. Goodbye. I like you very much, Joujou. Le 30 mai, cher papa Faucheux, avez-vous jamais vu ce campus ? Cette question n'est qu'une figure de rhétorique, qu'elle ne vous embarrasse pas. C'est un endroit délicieux au mois de mai. Tous les buissons sont en fleurs et les arbres sont d'un joli vert clair. Même les vieux sapins ont l'air frais et neufs. Le gazon est parsemé de pissenlits jaunes et de centaines de jeunes filles en robes bleues, blanches et roses. Tout le monde est joyeux et sans souci, car les vacances approchent et, avec cette perspective, les examens ne comptent pas. N'est-ce pas une heureuse disposition d'esprit ? Eh, oh, papa, je suis la plus heureuse de toutes, parce que je ne suis plus dans l'asile et que je ne suis ni la bonne d'enfant, ni la dactylographe, ni le comptable de personne. Sans vous, tel aurait été mon sort, vous le savez. Je regrette maintenant toutes mes méchancetés passées. Je regrette d'avoir dit des impertinences à Madame Lippett. Je regrette d'avoir caloté Freddy Perkins. Je regrette d'avoir mis du sel dans le sucrier. Je regrette d'avoir fait des grimaces derrière le dos des membres du comité. Je veux être bonne et douce et gentille avec tout le monde parce que je suis si heureuse. et tout l'été, j'écrirai, afin de devenir un grand auteur. C'est un point de vue élevé, n'est-ce pas ? Oh, je suis en train de me faire un superbe caractère. Il s'affaisse bien un peu sous le froid et la gelée, mais il se redresse quand le soleil brille. Voilà comment tout le monde est fait. Je ne suis pas d'avis que le malheur, le chagrin et les déboires développent la force morale. Les gens vraiment heureux sont toujours pleins de bonté. Les misanthropes ne m'inspirent aucune confiance. Mot épatant, je viens de l'apprendre. Vous n'êtes pas misanthrope, n'est-ce pas, papa ? J'avais commencé par vous parler du campus. Si vous pouviez seulement me faire une petite visite afin que je puisse vous mener partout et vous dire « Voici la bibliothèque, voici l'usine à gaz, papa chéri. Cette bâtisse gothique à gauche, c'est le gymnase et la construction de style Tudor et la nouvelle infirmerie. Oh, je sais très bien faire le cicérone. Je l'ai fait toute ma vie à l'asile et je l'ai fait ici, toute la journée. C'est vrai, ce que je vous dis là. » Et le plus fort est que je servais de guide à un homme. C'est du nouveau pour moi. Jusque-là, je n'avais jamais parlé à un homme, excepté de temps en temps aux membres du comité, et cela ne compte pas. Pardon, papa, je ne veux nullement vous froisser quand je dis du mal des membres du comité. Pour moi, vous n'en faites pas partie. C'est par hasard que vous vous êtes fourvoyé là-dedans. Le type de membre du comité est gras, bienveillant et pompeux. Il vous donne des petites tapes amicales, il porte une chaîne de montre en or. Je me représente ces gens-là sous la figure de gros scarabées bourdonnants. Mais poursuivons. Je me suis promenée, j'ai causé et j'ai pris le thé avec un homme. Et avec un homme vraiment supérieur, avec M. Jervy Pendleton de la maison Julia. Bref, son oncle. Quand je dis bref, ce n'est pas le mot, car il est tout en longueur, presque aussi grand que vous. Comme il était en ville pour affaires, il a eu l'idée de faire un bond jusqu'au collège et de rendre visite à sa nièce. C'est le frère cadet de son père, mais elle ne le connaît pas beaucoup. Il paraît qu'il a jeté un coup d'œil sur elle quand elle était bébé, qu'il a décidé qu'il ne l'aimerait pas et que depuis, il n'a plus fait attention à elle. En tout cas, le voilà assis dans la salle de réception, très correct, avec son chapeau, sa canne et ses gants à côté de lui, tandis que Julia et Sally étaient retenues par les classes de 7 heures qu'elles ne pouvaient pas lâcher. Alors Julia s'est précipitée dans ma chambre et m'a prié de promener son oncle dans le campus et de le lui rendre après 7 heures. J'ai dit oui pour l'obliger, mais sans enthousiasme, car je ne me soucie pas des Pendleton. Mais lui, c'est un petit agneau en sucre, un véritable être humain, pas du tout un Pendleton. Nous avons passé un délicieux moment et depuis je brûle d'envie d'avoir un oncle. Vous ne voudriez pas faire semblant d'être mon oncle par hasard ? Je crois que les oncles valent mieux que les grands-mères. En voyant M. Pendleton, j'ai pensé à vous, papa. Vous étiez ainsi, il y a 20 ans. Vous voyez que je vous connais à fond, encore que nous ne nous soyons jamais rencontrés. Il est grand et plutôt mince, avec un visage brun et un sourire des plus amusants, qui, sans s'épanouir complètement, lui fait de petites rides au coin de la bouche. Il a une façon de vous mettre à l'aise qui vous fait croire que vous le connaissez depuis longtemps. C'est vraiment un bon compagnon. Nous nous sommes promenés par tout le campus, de la grande cour jusqu'au terrain pour les sports. Puis il a dit qu'il était à bout de force et qu'il avait besoin d'une tasse de thé. Il m'a proposé d'aller à l'auberge du collège tout près du campus par le sentier des sapins. J'ai répondu que nous devrions alors revenir sur nos pas pour chercher Julia et Sally. Mais il a dit qu'il n'aimait pas que ses nièces prissent trop de thé. Cela les rendait nerveuses. Nous nous sommes donc mis en route et on nous a servi le thé à une gentille petite table sur le balcon avec des muffins, de la marmelade, des glaces et des gâteaux. L'auberge était vide à souhait car c'était la fin du mois et les fonds étaient bas. Nous nous sommes bien amusés, mais à peine étions-nous rentrés qu'il a dû courir pour ne pas manquer son train. C'est tout juste s'il a vu Julia. Elle était furieuse parce que je l'avais accaparée. Il paraît que c'est un oncle remarquablement riche et précieux. Cela m'a soulagée de savoir qu'il était riche, car le thé et ses accessoires avaient coûté 60 cents par tête. Ce matin, c'est lundi aujourd'hui, 3 boîtes de chocolat ont été apportées par un commissionnaire pour Julia, Sally et moi. Qu'est-ce que vous dites de cela ? Recevoir des bonbons d'un homme ! Je commence à sentir que je suis une jeune fille et non une enfant trouvée. J'aimerais tant que vous veniez un de ces jours prendre le thé pour voir si vous m'êtes sympathique, oui ou non. Ne serait-ce pas terrible si c'était non ? Mais je suis sûre que ce sera oui. All right, je vous présente mes compliments. Je ne vous oublierai jamais. Joujou. Post-scriptum. Ce matin, je me suis regardé dans la glace et je me suis découvert une fossette toute neuve que je n'avais jamais vue jusqu'à présent. C'est très curieux. D'où croyez-vous qu'elle me vienne ? Le 9 juin. Cher papa Faucheux, bonne journée. J'ai passé mon dernier examen de physiologie et maintenant, 3 mois dans une ferme. Je n'ai aucune idée de ce que peut être une ferme. Je n'en ai jamais visité de ma vie. Je n'en ai même jamais vu, sauf par la portière du train. Mais je sens que j'aimerais beaucoup la vie de ferme, que j'aimerais beaucoup la liberté. Je ne me rends même pas encore bien compte que je suis hors des murs de l'asile John Grier. Chaque fois que je pense à cela, des petits frissons me passent le long du dos. Il me semble que je doive courir de plus en plus vite, en me retournant de temps en temps pour m'assurer que Madame Lippett n'est pas à mes trousses, les bras étendus pour me rattraper. Cet été, je ne dois obéissance à personne, n'est-ce pas ? Votre autorité, toute nominale, ne me dérange en aucune façon. Vous êtes trop loin pour être dangereux. Madame Lippett, en ce qui me concerne au moins, est morte pour toujours, et on n'attend pas des Semple qu'ils veillent sur ma bonne tenue morale. Non, pas du tout. Je suis maintenant tout à fait grande fille. Hurrah ! Je vous quitte pour faire une malle et 3 caisses de théières, de bouillottes, de plats, de coussins et de livres. Toujours à vous, Joujou. Post-scriptum. Voici ma composition pour l'examen de physiologie. L'auriez-vous passée ?